Tout le monde est pas faire avec Gigi. Canondo, le vilain descendant du malin. Je des enfers et je suis le roi du bis. Je représente la mort avec mes complices. Je sors la peur comme un voleur. L'horreur. Tu sais c'est qui Satan? Mon frère. Avec ma triforce, celle des pouvoirs, ma gueule fait peur, comme ta sœur. Zelda en a peur et Link en rigole. Tous ne m'aiment pas, oui moi Ganon. Earthquake Punch pour Sister, pouvoir long pour Mister. Et quand je débarque à Hyrule, c'est l'horreur. Ganon c'est moi, mon nom c'est Dorph. Méchant et gore comme la mort. Et Zelda, je suis le seigneur du malin. Ramène ta nourrice, j'y casse ta tunique. Ganondorf, la puissance de bourg d'Hyrule. Son nom c'est Ganondorf, le chef des Gerudo. Ganondorf, il a tué le père Zelda. Son nom c'est Ganondorf. Ils ont Gallop stand up in the castle. Gallop stand up, push the dead hop. Gallop stand up, push the dead hop. Gallop stand up, push the dead hop. Gallop stand up, push the dead hop. Un jour j'irai à Hyrule ou à Bourg-Clocher, redevenir un boss tout comme dans Majora. J'aurai plus de pouvoir à Termina que Zelda avec sa vieille ocarina. T'es puissant. Ouais, c'est vrai. T'as une tête de gland. Bah, comment tu sais? Mon style cartonne, Zelda frissonne. Si les filles dégueulent, c'est que j'ai une sale gueule. Hyrule, Termina, c'est même combat. Le château des ombres, hé, hey, j'suis chez moi. J'fais des zombies, j'fais des envieux. J'fais même des monstres avec plusieurs yeux. Mon nom c'est Dorph, prénom Ganon, représenté par vos Made in Gerudo. Et Link, quand je m'énerve, c'est de la tuerie. Ramène pas Zelda, elle me kiffe, je te le dis. Ganondorf, la puissance du bourg d'Hyrule. Son nom c'est Ganondorf, le chef des Gerudo. Ganondorf, il a tué le père Zelda. Son nom c'est Ganondorf. Ils ont Gallop stand up in the castle. Ganondorf, la puissance du bourg d'Hyrule. Son nom c'est Ganondorf, le chef des Gerudo. Ganondorf, il a tué le père Zelda. Son nom c'est Ganondorf. Ils ont Gallop stand up in the castle. Gallop stand up, push the dead hop. Gallop stand up, push the dead hop. Gallop stand up, push the dead hop. Gallop stand up, push the dead hop. La la la la la la la la. La la la la la. La la la la la la la. Ganondorf, la puissance du bourg d'Hyrule. Son nom c'est Ganondorf, le chef des Gerudo. Ganondorf, il a tué le père Zelda. Son nom c'est Ganondorf. Ils ont Gallop stand up in the castle. Ganondorf, la puissance du bourg d'Hyrule. Son nom c'est Ganondorf, le chef des Gerudo. Ganondorf, il a tué le père Zelda. Son nom c'est Ganondorf. Ils ont Gallop stand up in the castle.